Gala Pudentia de Charles Normand. Chapitre 1er. Quand Gala Pudentia naquit, son père, honorable sénateur romain, qui avait perdu un œil à la bataille de Cannes, se trouva fort embarrassé. Il avait déjà 3 garçons et 4 filles qu'il avait bien de la peine à élever. Les récoltes avaient été mauvaises, les fermages ne rentraient pas régulièrement, et pour comble de malheur, sa villa d'Albe la Longue venait d'être pillée par Hannibal, avec tout le soin que ce grand capitaine mettait aux opérations de ce genre quand il s'en chargeait en personne. En d'autres temps, Pudentius, qui était un brave homme, bien qu'il n'eût jamais ri que 2 fois dans sa vie, se fut bien gardé de réclamer le bénéfice de la loi romaine, qui permettait à tout père de famille de ne pas élever son enfant, à condition d'en faire l'abandon au moment même de la naissance. Mais vraiment, la vie était trop dure. Le nouveau-né n'était par malheur qu'une fille, et c'était déjà si difficile de marier une fille en ce temps-là. Il hésitait, partagé entre son bon cœur et le désir de faire une sérieuse économie, et il regardait d'un air perplexe le berceau où l'on avait déposé à ses pieds l'innocente petite créature en se murmurant à lui-même « Encore si les vignes n'avaient pas gelé cette année !» Autour de lui, sa famille, au nombre de 77 membres, petits et grands, attendait dans un silence solennel qu'il fît connaître sa volonté. Tous, malgré la différence des âges et des sexes, se ressemblaient, ayant les mêmes yeux durs et la même mâchoire massive, plantée de 2 dents solides qui faisaient penser au pieu d'un retranchement romain, et cet air de famille se retrouvait aussi sur les images en cire des ancêtres de la maison, rangées autour de l'atrium, depuis le premier Pudentius, compagnon d'aîné, qui descendit avec lui aux enfers, mais oublia d'en revenir, jusqu'au dernier de cette race si haute, père du sénateur dont nous parlons, est mort dans la dernière guerre contre Pyrrhus, étouffé sous un éléphant dont il avait imprudemment percé le ventre. Cette foule n'avait pu trouver place tout entière dans l'atrium très étroit de Pudentius. Elle débordait dans les pièces voisines et du vestibule jusque dans la rue où les clients de la maison, sérieux, dignes et rangés 2 par 2, attendaient eux aussi la décision du maître. Dans une affluence aussi considérable, 395 personnes, sans compter les enfants, il y avait la même gravité et le même souci du décorum qu'à l'intérieur, et c'est à peine si l'on daignait y répondre par quelques monosyllabes aux questions des boutiquiers bavards qui s'inquiétaient des affaires de l'illustre Pudentius, sans songer que les leurs n'étaient pas elles-mêmes en très bon état. De temps à autre, pourtant, un tressaillement subi agitait le corps sinueux de ce long serpent humain qui déroulait ses anneaux jusqu'à la rue du Capitole. Un mot venu de la maison circulait de bouche en bouche et disait au dehors les indécisions de Pudentius. Mais personne ne songeait à discuter l'attitude du sénateur ou à lui imposer ses préférences. Il était le chef de la famille, le patron, et il lui suffisait de parler pour qu'il fût obéi. Mais encore fallait-il qu'il parlât, et il ne se pressait guère de le faire, le malheureux. En proie à un violent combat intérieur qui faisait paraître son visage encore plus renfrogné qu'à l'ordinaire, il tenait les yeux fixés sur le berceau où reposait sans un cri la petite fille et il soupirait profondément. Par respect pour leur chef, mais sans avoir les mêmes raisons que lui, les 77 membres de la famille soupiraient aussi et les 395 clients, échelonnés dans la rue où ils produisaient des embarras de voiture, soupiraient à leur tour avec plus de force que les parents eux-mêmes et aussi avec plus de sincérité, la plupart étant de braves gens de la campagne qui aimaient les enfants et acceptaient sans faire tant de façon ce que le ciel leur envoyait. Enfin, Pudentius, qui pesait le pour et le contre avec l'attention et le sérieux qui convenaient à un sénateur romain, se rappela tout à coup qu'il n'avait pas encore payé la dernière paire de bœufs que lui avait récemment vendu son voisin et ami Quintus Fabius Fonerator. Cet argument fit pencher la balance et sa résolution fut prise. Il détourna les yeux du berceau de sa fille et d'une voix après tout moins ferme qu'on eût pu s'y attendre « Emporte-la » dit-il à son esclave familier Styrax qui se tenait auprès de lui, attendant ses volontés. C'était pour l'enfant l'arrêt de mort. En ne relevant pas lui-même sa fille qui gisait à ses pieds, Pudentius, qui se garda bien d'ailleurs de consulter la mère, encore alitée dans ses appartements, renonçait à son droit paternel. Quand il eut prononcé le fatal « emporte-la », les 77 membres de la famille, sans se livrer à de vaines démonstrations, répétèrent tout d'une voix « emporte-la ». Et l'on entendit une seconde après dans la rue un écho composé de 395 bouches qui redit « Emporte-la », mais cette fois sur un ton mélancolique et attristé. Puis tout ce monde se dispersa, chacun s'en alla à ses affaires, les plaideurs au forum, les paysans au champ et les buveurs au cabaret. Puis Dansus, la main sur les yeux, fit signe qu'il ne voulait point être dérangé et entra dans sa chambre où il demanda à sa sieste quotidienne l'oubli du pénible sacrifice qu'il venait de faire. Il ne resta plus dans la salle que l'esclave Styrax, les ancêtres en cire et la petite fille au berceau, qui, avec ses yeux noirs et son menton carré déjà très prononcé, ressemblait étonnamment au vieux Romain bourru et maussade qui se tenait depuis si longtemps autour de l'atrium. Styrax, dont c'était le rôle à la maison d'amuser le maître par ses bons mots, était, en dehors de son office, le compagnon le plus désagréable qu'on pût trouver. Autant il était soumis et rampant avec Pudentius, autant il abusait de sa faveur auprès de lui pour être rogue et hargneux avec les autres esclaves. Comme il ne convenait pas à sa dignité de toucher même du bout du doigt le berceau qui lui était confié, il appela le pédagogue de la maison, le grec Caliclès. Ayant un peu tardé à paraître, Caliclès fut accueilli par une bordée d'injures. « Drôle, pandard, maraud, gibier de croix !» s'écria Styrax. « Que faisais-tu encore du côté de la cuisine ? Que je t'y reprenne encore et tôt d'offre à connaissance avec les étrivières ?» Si Pudentius avait voulu m'écouter, il y a beau jour qu'il t'aurait relégué à la campagne. Mais patience, tout vient point à qui sait attendre. » Caliclès ne se fâchait jamais. Ayant étudié la philosophie dans son pays et sachant que la colère est mauvaise conseillère, il avait la voix douce, la main caressante et le regard faux. C'était lui qui instruisait la nombreuse famille du sénateur, tenait ses comptes et même, disons-le bien bas, préparait ses discours. Pudentius, qui, avec ses manières de sanglier mal élevé, était au moins franc du collier, ne pouvait pas le souffrir et était incapable en même temps de se passer de ses services. Caliclès endurait patiemment cette hostilité, sachant bien qu'il aurait son jour. Les enfants l'adoraient et parlaient sa langue avec lui, en dépit du papa qui n'aimait pas, et pour cause, qu'on s'exprimât devant lui autrement qu'en latin. Sans s'inquiéter des injures qui pleuvaient sur lui, le grec prit le berceau et regarda l'enfant qui ouvrait de grands yeux noirs étonnés, mais ne bougeait pas, comme s'il eût déjà compris qu'il lui serait bien inutile, dans ce monde féroce où le hasard l'avait jeté, d'appeler à son secours. « Quel charmant enfant, mon cher Styrax !» dit Caliclès. « Quelle délicieuse petite colombe ! Et quels yeux elle vous a déjà, la friponne ! Là, voyons, voulez-vous faire risette ? Par Bacchus, elle est déjà sérieuse comme son digne papa et sa digne maman. Ah, ce n'est pas ici comme à Corinthe, ma patrie. Les enfants n'y naissent pas pour jouer, pour rire. Après tout, celle-là sait peut-être déjà qu'elle épousera un sénateur. Je m'explique alors son air mélancolique. » « Quand auras-tu fini tes sottes plaisanteries ?» dit Styrax. « Le sénateur qui doit l'épouser attendra sous l'orme longtemps. Elle est morte avant de naître, la pauvrette. Pudentius a commandé de l'exposer. « Ah, vraiment, c'est bien dommage !» dit Caliclès de sa voix la plus douce et sans penser un traître mot de ce qu'il disait. En même temps, il posa prestement le berceau dans les bras du concierge de la maison, un gros dalmate au nez écrasé qui, à force d'aboyer contre les visiteurs importuns, avait fini par prendre les allures et les traits d'un chien de garde. « Tiens, dit-il, Simulus, tu arrives à propos, voilà pour toi. » Et il s'esquiva en riant du bon tour. Caliclès était trop rusé pour se compromettre dans une affaire comme celle-là, et il ne voulait pas être plus tard la victime de remords possibles de Pudentius. « eh bien, grommelait Simulus, tout embarrassé de son fardeau. « Maudit grec, il est toujours le même. » Que je l'attrape à être en retard le soir à la porte, il verra qu'il a affaire. Caliclès, Caliclès, il est parti, le fourbe. Que veut-il que je fasse de cet enfant ? Ce que tu voudras, dit Styrax en ricanant. As-tu déjà tordu le cou à un poulet ? Le dalmate devint tout pâle et regarda d'un œil inquiet du côté de la chambre de Pudentius. Moi, dit-il, que je porte la main sur la fille du maître, par Mercure, mon patron, j'aimerais mieux mourir sur l'heure. « Et si je te l'ordonnais ?» dit Styrax. « Non, » répondit résolument Simulus, « je n'assassine pas les enfants. »« Qui te parle de l'assassiner, gros bœuf de Lucanie ? Par Pollux, ton crâne est encore plus épais que la toison qu'il couvre. On va simplement la porter au-delà du Tibre et les loups feront le reste. » La besogne est encore trop lourde pour un pauvre air comme moi, dit Simulus, en secouant la crinière à laquelle Styrax venait de faire allusion. Mais Congrion, que voici, voudra peut-être s'en charger. Ce n'est pas là un plat de mon métier, dit Congrion, qui était le cuisinier. Nous autres Gaulois, qui sommes des barbares, nous ne jetons pas aux bêtes féroces les enfants que le ciel nous donne. Vous autres Gaulois, reprit brutalement Styrax, vous n'êtes que des vantards, bons tout au plus à faire des cuisiniers ou des coiffeurs. Le beau malheur, en vérité, si ton coquin de père t'avait jeté à ta naissance au pourceau de ton pays, tu ne nous empoisonnerais pas aujourd'hui de tes sauces. Le mulet que tu nous as servi il y a 8 jours à l'ail et au safran me fait encore mal à l'estomac. Mais que viennent faire ici toutes ces femmes? Il faut que ces tangents se fourrent partout où elle n'a que faire. Allez-vous-en d'ici, oiseau de malheur, ou gare le fouet. Mais les survenantes auxquelles s'adressait cet accueil aimable y firent peu d'attention. Elles étaient une quinzaine environ, de tous les pays du monde, presque toutes jeunes, passablement jolies et remarquables par la construction savante de leur coiffure et les couleurs variées de leurs robes. Il y en avait de jaune pâle, avec des écharpes couleur de feu, d'autres, habillées de violet, portaient des chaussures teintes en mauve. La plupart avaient l'œil hardi et le sourire mauvais. Une seule d'entre elles faisait contraste avec ses compagnes par sa large face épanouie de contentement et de santé. C'était la nourrice du dernier-né de Pudentius, et elle portait encore sur les bras le petit bonhomme, âgé de 2 ans à peine, mais déjà assez méchant pour prendre plaisir à pincer jusqu'au sang les bras plantureux de la bonne créature. Toute cette bataille féminine, accourue au bruit du grand événement, riait, jacassait, s'agitait, se poussait pour voir, avant son départ, l'héritière de Pudentius, que le dalmate, tout gauche et tout confus, n'avait pas encore osé remettre à terre. Mais le visage de ces esclaves, abreuvés d'avanies de tout genre et soumises jour et nuit aux caprices de la femme de Pudentius, n'avait pas, en se penchant sur le berceau, l'expression de tendresse souriante que prennent d'ordinaire les femmes en cette occasion. Il y avait plutôt dans tous ses yeux braqués sur l'enfant comme un sentiment bas de haine satisfaite, et quand Styrax leur eut confié que Galla Pudentia n'était pas destinée à vivre et à devenir un jour leur maîtresse, elles ne surent pas contenir leur joie qui s'échappa en paroles brûlantes de rancune et de fiel. « Elle est bien portante, la petite chouette, » disait l'une. « Elle ne demandait qu'à vivre pour notre malheur. »« Vois donc ses yeux, » disait l'autre. « On dirait ceux de la maîtresse quand on a cassé par mégarde un de ses flacons à parfum. » Par Castor, elle n'aurait pas été commode. Regarde comme elle serre déjà les lèvres. Et ses petits poings. Regarde, je crois qu'elle nous battrait si elle pouvait. La petite fille, qui jusque-là était restée calme, commença à s'agiter et à se plaindre. Mais toutes ces femmes avaient trop souffert pour se laisser attendrir par ses cris. « Meurs donc !» murmurait d'un ton passionné une grande Espagnole aux yeux flamboyants, dans un visage ridé et vieilli avant l'âge. « Meurs donc, enfant de louve, au moins nous ne serons pas tes jouets, tes souffres-douleurs, ta risée, quelque chose de moins pour toi que tes pantoufles ou ton émantail. »« Tu ne nous tireras pas les cheveux, » disait une syrienne, « comme fait ta mère quand elle est de mauvaise humeur, parce que nous sommes plus jolies qu'elle. »« Tu ne nous donneras pas de soufflet, » disait une grosse alobe rouge, que ses joues fraîches et pleines exposaient naturellement aux punitions de ce genre. « Tu ne nous briseras pas ton parasol sur le dos. » Tu ne nous enfonceras pas des épingles dans les bras. » Et cette litanie se continuait ainsi, chacune d'elles soufflant des paroles de menace et de mort au pauvre visage, baigné de larmes, de la petite fille. À la fin, la nourrice, qui n'avait rien dit, et s'était tenue jusque-là à l'écart, sentit son cœur se gonfler de colère devant cette haine impie de femmes acharnées après un enfant. Elle mit à terre, d'un geste brusque, le petit Pudentius qui braillait assez haut pour être entendu de Capoue, et se campant les 2 poings sur les hanches, elle laissa déborder son indignation. « Vous n'avez pas honte, s'écria-t-elle, de vous mettre tout à la fois contre un enfant nouveau-né qui vit à peine et ne peut pas vous répondre? Taisez-vous, corneille malfaisante, ou vous auriez affaire à moi. Par Vesta, le chien qui épeint la porte pour effrayer les mauvais gens a plus de cœur que vous. N'est-ce pas vrai, Simulus? Par Pollux, tu as raison, dit l'honnête dalmate. D'ailleurs, continua la nourrice, il n'y a pas besoin de tant de paroles. Si l'une de vous est assez abandonnée des dieux et des hommes pour vouloir tuer cet enfant, qu'elle le dise. Est-ce toi, Caliroé ? La Syrienne, ainsi interpellée, rougit considérablement et se retira derrière ses compagnes. Alors c'est toi, Fausta, toi qui étais la plus enragée ? Dit la nourrice en s'adressant à l'Espagnol. Moi ? S'écria l'Espagnol. Que je touche à cet amour, à ce petit cœur, à ce bijou mignon, me prends-tu pour un monstre ? Alors ce sera Lusca. L'occasion est bonne pour elle de se venger sur cet enfant de l'œil que lui a crevé sa maîtresse. Mais Lusca battit en retraite comme les précédentes, et l'une après l'autre, les femmes, confuses, sinon repentantes, s'écoulèrent par les différentes issues. Alors la bonne nourrice allongea une taloche au petit Pudentius qui continuait à crier, et tirant la petite fille de son berceau, elle lui donna le sein. Syrax la laissa faire, n'étant pas d'humeur à heurter de front le crédit très solide qu'elle avait dans la maison. Mais il était visible qu'il commençait à s'impatienter, et comme Simulus était lui aussi parti avec Congrion, il se trouvait passablement ennuyé. Il finit par dire d'un ton de mauvaise humeur « Tu perds ton temps et ton lait, nourrice. La petite Galla ne vivra pas assez pour t'en récompenser un jour. »« Et quand cela serait, Borien ?» repartit la bonne femme. On t'a dit d'exposer l'enfant, on ne t'a pas dit de la faire souffrir. Qui sait d'ailleurs si elle ne vivra pas? C'est le secret des dieux immortels. Grand bien leur fasse, dit Styrax. S'il faut qu'ils s'occupent de tous les enfants qu'on abandonne ici, l'occupation ne leur manquera pas. Mais que veux-tu encore, Congrion? Le cuisinier, qui venait de rentrer dans l'atrium, paraissait furieux. Ce que je veux, dit-il, Styrax, c'est bien simple. Je veux que tu me débarrasses aujourd'hui même du carthaginois de malheur que tu m'as donné pour laveur de vaisselle. Qu'a-t-il encore fait, ce maudit Artabas ? Demanda le factotum de Pudentius. Demande-moi plutôt ce qu'il n'a pas fait. D'abord, il ne veut pas m'obéir. Je n'ai jamais vu d'être plus sournois et plus méchant. Sais-tu ce qu'il prétend, cette face noire ? Il dit que je suis esclave comme lui et que je n'ai pas le droit de le traiter en inférieur. Comme s'il pouvait y avoir une égalité possible entre le cuisinier de Pudentius et un misérable qui ne sait même pas faire cuire un œuf à la coque sans qu'il devienne dur. Comment ? Dit Styrax en ricanant. Il ne respecte pas l'illustre Congrion ? Non, tu peux te moquer de moi, mais c'est la pure vérité. Je sais ce que je dois aux autres et ce qui m'est dû, et ce n'est pas tout. Tu sais, ce plat grec orné de figures que Pudentius a rapporté de la prise de Tarente et auquel il tient tant. Eh bien, il vient de le casser en 1000 morceaux. Aïe, dit Styrax, j'ai mal d'avance au dos d'Artabas. Enfin, continua Congrion, tu te rappelles que j'étais monté tout à l'heure pour recevoir tes ordres. En redescendant, sais-tu où je le trouve? Sous le fourneau, Styrax, en train de vider un flacon de falerne qui n'avait pas même été entamé. À ces paroles, le carthaginois dont il était question, et qui était resté accroupi près de l'escalier de la cuisine, se précipita dans l'atrium aux pieds de Styrax. « Il a menti, illustre maître, il a menti. C'est lui qui avait caché là le falerne, après en avoir bu la moitié. » Congrion allait répliquer, mais Styrax lui coupa la parole. « Vous êtes tous deux des ivrognes, » dit-il. « Toi, Congrion, fais-moi le plaisir de retourner à tes fourneaux, et de ne pas les quitter de la journée, ou sinon, par Bacchus, je te fais pendre au croc, comme une de tes pièces de viande. » Quant à toi, Artabas, lève-toi et dispense-toi de me rendre des hommages qui ne sont dus qu'à Pudentius. » Au lieu d'obéir, Artabas embrassa avec plus de ferveur encore les genoux de Styrax, genre de flatterie auquel le favori du maître, en dépit de ses paroles, ne paraissait pas insensible. « Pouah, qu'il est hideux !» dit la nourrice, qui, ayant son franc-parler, n'éprouvait pas le besoin de cacher ses impressions à un personnage aussi vil qu'Artabas. Si tous les soldats d'Hannibal étaient comme lui, je ne m'étonne plus qu'on les ait accusés de manger les petits-enfants. « Par Hercule, » dit Styrax en riant, « tu me donnes là une fameuse idée, nourrice, et ce que je médite ne l'écartera pas beaucoup de ses habitudes. Debout, Morico, et écoute-moi. » Joignant le geste à la parole, Styrax saisit le carthaginois par sa tignasse presque laineuse et le força de se relever. La douleur fut si forte que le visage du malheureux se couvrit d'une pâleur terreuse et que ses yeux s'injectèrent de sang. Mais il eut encore le courage de sourire à son bourreau. « Tu vois cette petite fille ?» dit Styrax. Artabas, rompu de longue date aux formes orientales de la servitude, s'inclina si bas devant le berceau que son front touchait presque la terre. « Tu vas la prendre ?»« Oui, illustre maître. »« Tu la porteras au-delà du Tibre ?»« Oui, magnifique seigneur. » Et une fois là, du côté de la voie aurélienne, que faudra-t-il en faire, lumière de mes yeux ? Ce que tu voudras, camarade. dit Styrax en lui frappant sur l'épaule. « Seulement ?»« Une dernière recommandation avant ton départ. Aie bien soin de revenir les mains vides, ou sinon sans coup de fouet. » Une telle menace n'était pas nécessaire. La joie inondait l'âme de l'Africain, enfin mis à même de se venger sur la malheureuse petite fille de tous les maux qu'il avait souffert depuis qu'il était tombé, devant Capou, entre les mains des Romains. Sans un instant d'hésitation, il arracha l'enfant aux mains de la nourrice qui pleurait et se dirigea vers la porte. Au moment où il allait sortir, il s'effaça pour laisser passer Pudentius, dont la sieste était terminée et qui se rendait au Sénat, drapé, droit et raide, dans sa toge de laine blanche bordée de pourpre. À la vue de son enfant, le sénateur s'arrêta pour la regarder avec intérêt. « Elle était gentille, dit-il, cette petite fille, et tout mon portrait par Jupiter. Quel dommage que les vignes aient gelé cette année !» Puis, saisi d'une idée subite, il retira de son index un anneau d'or sur lequel était gravé son prénom de Gallus et le glissa dans le sein de l'enfant. « Que Vesta et tous les dieux immortels te protègent, » dit-il pieusement. Il s'éloigna ensuite, l'esprit calme et la conscience en repos. Au Sénat, où on l'attendait avec impatience, il prit la parole dès son arrivée et la garda 2 heures durant. Les historiens latins ont oublié de nous conserver son discours, mais nous savons qu'il y exalta la grandeur de Rome et qu'il la montra fondée, depuis les temps les plus anciens, sur le culte de la famille, le respect du foyer et, en général, sur toutes les vertus domestiques. Ses auditeurs lui prouvèrent par leurs applaudissements que ses arguments leur avaient paru bons. Nous serions sans doute du même avis si nous les connaissions.